I've never been so, but then when push comes to shove, damn about right or wrong, damn about love. Y'a-t-il une porte de sortie quand on se retrouve piégé par la vie qui nous a poussé tout droit dans les bras d'un monstre? Un monstre déguisé en bonté, en beauté, en un rêve protégé par une apparence ne montrant pas même une once de démence. Qu'il puisse paraître correct devant les autres est un comble. Le démon est bien camouflé au fond de ses propres catacombes. Her pain has never been so, but then when push comes to shove, about right or wrong, tell about love. Elle a mal, mais te pardonne.